Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a inspecté le combinat de construction mécanique 18 janvier. Il a été accompagné des cadres responsables du Comité central du Parti travail de Corée. En regardant le panorama de l'usine avec un large sourire, il a déclaré plein de joie. Il me paraît que l'usine est devenue plus belle que l'année dernière. Grâce à la modernisation de tous ces procédés de production, les machines du niveau mondial sont fabriquées à merveille dans un court délai. Les travaux de réaménagement ont été énormes et difficiles, mais vous avez bien fait d'avoir travaillé pour de bon pour enregistrer un bon résultat. Le combinat est marqué des traces de pas du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Avec la fierté infinie de travailler au combinat, lieu de travail honoré des exploits des grands leaders, usine qui est considérée comme fils aîné et noyau de l'industrie de construction mécanique de notre pays, les ouvriers sont tenus de consentir plus d'efforts pour normaliser la production. En faisant le tour de divers procédés, y compris l'usinage et le montage, le camarade Kim Jong-un s'est renseigné en détail sur la production et la qualité des produits. Il a fait remarquer que la modernisation du combinat, conforme à la tendance du développement industriel du XXIe siècle, a permis d'opérer un changement étonnant inimaginable dans le passé au niveau de la production, de l'entretien et de la gestion de l'usine. Il a ajouté « L'usine a réalisé à un niveau élevé le perfectionnement scientifique, l'informatisation, l'automation et la robotisation, et établit le système de fabrication flexible pour ainsi économiser la main-d'œuvre autant que possible, réduire la période de production, augmenter la production et obtenir un succès tangible dans l'amélioration de qualité. » Très satisfait, le camarade Kim Jong-un a estimé que les performances des machines fabriquées en série par l'usine sont bien meilleures par rapport au passé et qu'elles peuvent bien entrer en concurrence avec les produits bien connus dans le monde quant à l'indice qualitatif. Il a continué. Surtout, le combinat a mis au point avec un établissement intéressé des nouvelles machines très importantes pour le développement de l'industrie mécanique du pays. Ces machines sont très précieuses comme un trésor, d'autant plus qu'elles sont conçues et fabriquées par nos propres efforts. Construire les machines modernes de notre style par notre force, notre technique et nos ressources, c'est un travail important pour défendre la dignité nationale. En disant qu'il est content à entendre les machines tourner dans les ateliers spacieux et propres où la modernisation est réalisée à un niveau élevé, le camarade Kim Jong-un a apprécié haut le mérite des cadres, des hommes scientifiques, des techniciens et des ouvriers de l'usine qui fabriquent les machines tout à fait nationalisées du niveau mondial. En estimant très important le devoir du combinat, il a avancé des tâches. Prendre toutes les mesures d'approvisionnement en matériaux pour la production normalisée à un niveau élevé, faire de gros efforts pour mieux aménager le procédé de contrôle modernisé, s'intéresser plus à rehausser constamment le niveau technique et professionnel du personnel et à inviter tous les opérateurs des machines à CNC à maîtriser les ordinateurs. Ce jour-là, le camarade Kim Jong-un a visité aussi l'établissement de service général de l'usine. Il a dit qu'il ne l'a pas visité l'année dernière et qu'il veut voir tous les coins et s'est renseigné en détail sur la gestion dans la salle de sport, la piscine, la salle de repas, la salle de bain, la salle de beauté et ailleurs. Il a déclaré que l'établissement est excellent, qu'un tel édifice ne peut être érigé que dans notre pays, monde des ouvriers, et invité le personnel de l'établissement à améliorer sans cesse les services et la gestion pour que les ouvriers bénéficient mieux des bienfaits du parti. Les quatre ont raconté que le personnel et les familles remercient le parti pour avoir réuni les mêmes conditions de la vie culturelle que les villes. Le camarade Kim Jong-un s'est montré très content et a souligné qu'il faut s'efforcer toujours pour assurer de meilleures conditions de vie aux ouvriers, de sorte qu'ils connaissent la meilleure civilisation au niveau suprême. Il a dit que la visite lui a permis de bien voir l'ardeur très élevée des ouvriers de l'usine pour l'application de la décision du 7e congrès du Parti travail de Corée et qu'il faut faire appel davantage à la force de leur esprit pour qu'ils deviennent vainqueurs honorables dans la campagne de 200 jours. en disant que les ouvriers du combinat sont appelés à progresser à l'allure de maniement pour un grand essor dans la fabrication des machines de ponte très demandées par divers secteurs de l'économie nationale. Le camarade Kim Jong-un a donné l'ordre de fabriquer en série les équipements modernes mis au point nouvellement par l'usine, précisé une nouvelle tâche militante à accomplir et pris en personne des mesures nécessaires.